Déjà, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, et on vient d'entendre justement du jazz d'une artiste qui vient de Winnipeg, Michelle Grégoire, compositrice, arrangeur, jazz, pianiste, jazz, hors pair. Eh bien, on va rester dans le jazz, si vous voulez bien, pour débuter notre bloc de l'Ouest avec justement deux femmes de la région de Winnipeg ou qui ont demeuré dans la région de Winnipeg. Il y a premièrement Suzanne Kennelly qui devrait m'envoyer son nouveau disque très très bientôt. J'ai bien hâte de le recevoir, d'écouter le reste de l'album et d'en faire tourner, de partager ça avec vous, chers auditeurs. Mais pour l'instant, on va l'écouter avec l'irréparable de son futur album, un petit album de 5 chansons, de 5 pièces originales de style jazz. Suzanne Kennelly, retenez ce nom-là, ou faites Suzanne Kennelly sur Facebook pour découvrir son univers. Par la suite, on va entendre, selon moi, une des plus belles chansons que j'ai entendues dans ma vie, « Ton nom, Désillusion » de Micheline Girardin, qui, je crois, est retournée dans la région de Sherbrooke, mais a vécu très longtemps du côté de Winnipeg. Et elle avait participé à une compilation qui s'appelle « En pleine chanson », une compilation d'artistes de Winnipeg, différentes chansons. Ça, c'est sorti, je pense, début 90, quelque chose du style. Et puis, il y a de très beaux bijoux sur cette belle compilation-là, dont cette chanson « Ton nom, Désillusion ». Vous allez voir, très jazzy, très smooth, vraiment intéressant. Mais pour l'instant, j'attends son album avec grand plaisir, son petit EP. On écoute Suzanne Kennelly. Voici l'irréparable à Canrock. Quoi sert de prétendre que tout est comme avant, que l'amour est plus fort, même à contre-courant, qu'on peut tout effacer, tout pardonner, si seulement, si seulement. À quoi sert d'insister pour prolonger la fin d'un amour qui bascule même quand on le retient, de toutes nos illusions, nos trahisons, si seulement, si seulement. Ne survient jamais seul. Il adore qu'on en prenne plein la gueule. L'irréparable, quand on fuit par ennui, il entre dans nos vies. Quoi bon s'épancher sur ce qui aurait pu, sur les rêves envolés, sur ce qui aurait dû. Peut-on recommencer, l'imaginer, si seulement, si seulement. À quoi bon espérer une autre conclusion que celle qui va mener à notre désunion. Il faut tourner la page, affronter le naufrage, si seulement, si seulement. Il adore qu'on en prenne plein la gueule. L'irréparable, quand on fuit par ennui, il entre dans nos vies. L'irréparable. Thank you. L'irréparable ne survient jamais seul. Il adore qu'on en prenne plein la gueule. L'irréparable, quand on fuit par ennui, il entre dans nos. Voilà, toujours intéressant d'écouter cette chanson-là, malgré que ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée et que je ne l'ai pas jouée, mais j'adore la mélodie. C'est vraiment très, très, très soft, très fleutré. Elle a une très belle voix aussi. Donc, Micheline Girardin, ton nom Désillusion. Et comme je vous disais, elle est maintenant, je pense, du côté de Sherbrooke, mais elle a resté très longtemps à Winnipeg. Poursuivons, si vous voulez bien, avec le Festival d'été de Vancouver sur ma page de Facebook de Canrock, CANROCK. Vous avez le lien pour un article qui a paru au sujet de la 29e édition du Festival d'été francophone de Vancouver qui s'est tenu du 14 au 23 juin. Et on a fait beaucoup de place cette année sur les scènes majeures. Beaucoup de place pour les artistes francophones de l'Ouest. On a retrouvé, entre autres, la charmante Sophie Villeneuve. Sophie Villeneuve, son album « Le chant du hibou ». Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, allez-y. Je pense que c'est disponible via la PCM, www.apcm.ca. Et c'est vraiment une très bonne chanson. Et on va entendre le pantin, là, c'est très intéressant. Donc, elle faisait partie de la 29e édition du Festival d'été de Vancouver. Autre artiste qui était là, M. Étienne Fletcher, dont j'attends toujours l'album. Il va falloir que je mette un homme là-dessus pour avoir une copie de cet album-là. On va l'entendre avec « Chérie, chérie ». Et puis, il y avait également Loïg Morin, « La rivière ». Loïg Morin, qui est une de mes belles découvertes cette année. Il est de Vancouver et son album « La rivière », un album de musique pop un peu à la française, à l'européenne. Assez intéressant, merci. On va entendre la pièce-titre « La rivière » dans quelques instants. Il faisait partie également de l'édition, la 29e édition du Festival d'été francophone de Vancouver. On commence ça avec Sophie Villeneuve. Voici, tiré de son album « Le chant du hibou », « Le pantin ». Hey, fous-moi dehors. Je te mande en face à tous les jours à faire semblant d'être en amour. Mais j'en ai plus rien à cirer de toi. Je prends même plus le temps de texter, puis encore moins t'appeler. Hey, fous-moi dehors. Je te donne toutes les raisons de le faire. Ça me rendrait bien service. J'ai pas les couilles de faire un homme de moins. Calice, fait que choisis donc. Thank you. chérie, chérie. Je te perds là-bas.